être humain est libre et égaux. En dignité on croit que tu peux prévaloir de tous les droits, que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté. Nous sera tenu en esclavage ni en servitude, nous sera soumis à la torture. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Nul peut être arrêté, détenu ou exilé. Toute personne a droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant. Mais dis-toi si c'est bien donc la vérité. Les droits de l'homme sont souillés en toute impunité. De l'Élysée à la Maison Blanche, du Kremlin, plus qui garde le siège que des enculés. Mais dis-toi si c'est bien donc la vérité. Les droits de l'homme sont souillés en toute impunité. À l'Élysée, à la Maison Blanche, au Kremlin, plus qui garde le siège que des enculés. Tout homme accusé d'un acte délictueux est présumé innocent. Donc cet ordre était établi légalement. Que toute personne a droit de circuler à l'intérieur d'un État. Persécuté, il a le droit de l'asile en d'autres États. Que tout individu a droit à une nationalité. Nul peut être privé sa nationalité. Qu'on a droit à la liberté de penser et de religion. Ce droit implique de changer de religion. Qu'on a droit à la liberté d'opinion ou d'expression. Ce qui implique le droit d'avoir ses opinions. Mais dites-moi si c'est bien donc la vérité. Les droits de l'homme sont souillés en toute impunité. À l'Élysée, à la Maison Blanche, au Kremlin, plus qui garde le siège que des enculés. Mais dites-moi si c'est bien donc la vérité. Les droits de l'homme sont souillés en toute impunité. À l'Élysée, à la Maison Blanche, au Kremlin, plus qui garde le siège que des enculés. J'en ai marre de toutes ces merdes, j'en ai marre de ces mauvaises herbes qui sous le rap dévient tous ces MC en herbe. Ceci n'est pas une déclaration de guerre, mais un simple constat du putain de missionnaire. Tout le monde le pense, mais personne t'a rien dit. La teuverie ne sortira pas de la bouche de tes amis, mais qui croit, mais qui foi, Raymond Barre, ou Jiska, les Lascars, hein, le monde a le ringard. Ma conscience donne un putain bon sens à mes tests, mais c'est pas tout. Donc sur ce, je vous quitte, hasta la vista, Inch'Allah, je lâcherai pas ma proie. Si c'est bien donc la vérité.